vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 20 au 26 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et c'est la semaine du carnaval! Carnaval! Ah oui, carnaval! Ou carnaval! Comme dirait le bonhomme. Ouais, c'est pas le même carnaval, ça, je pense. Non, pas nécessairement, mais c'est pas grave. On aime ça pareil, on a du fun. Ben moi, je préfère celui-là de l'université. C'est vrai que c'est pas mal plus cool, puis il fait moins froid en dedans qu'il y a dehors, mais ceux qui vont dehors, il fait frette, mais il fait moins froid qu'à Québec, parce que Québec fait tout le temps plus frette, hein, c'est ça? Québec fait plus froid. Ben je sais pas, c'est quoi les statistiques là-dessus? Les statistiques, je sais pas, les statistiques là-dessus, faudrait faire de la recherche, c'est ça. Ça me fait penser à ma belle-sœur, l'autre fois, elle était sur Météo Média, puis elle me dit, hey, savais-tu ça qu'en 1952, il faisait 4 à cette date-ci? Genre? Puis en 1959, faisait moins... T'en as-tu d'autres statistiques de même pour moi? Elle dit, oh, ben, il me disait ça de même en bas, là. C'est ça. À quand une chronique comme ça, tu sais, un peu comme un rock classique qui font les éphémérides du rock? Fait que, tu on pourrait avoir genre... Les éphémérides. De la météo, non? Ouais, ça pourrait être long. On pourrait aussi ne pas faire ça. Ouais, en effet. Donc, bienvenue par le Assez Fou. On a évidemment un top 20 anglophone et un top 20 francophone. D'ici la fin de l'émission, on va savoir qui est numéro 1. Et on se demande encore si du côté anglophone, ce sera toujours Sebastian Granger et Going With You. Et du côté francophone, est-ce que c'est encore Je pars au combat de Guillaume Arsenault? On sera dans 3 heures, plus ou moins. Ensuite de ça, on va voir les Palmer Steel Peace, un instant classique, C'était Fou et ailleurs dans les palmarès, nos chroniques préférées. Vas-y. Mais je reviens sur ce que tu viens de dire. Dans 3 heures, plus ou moins, je dirais plus ou moins que plus. Probablement moins, oui. Parce que dans plus que 3 heures, on sera plus ici, mon cher. Ça va être la prochaine émission palpitante sur nos ondes. Okay. Insérez le nom de l'émission ici, dépendant de quand vous nous écoutez. Exactement. Ouais, c'est ça. Genre. On va commencer avec nos nouvelles entrées. J'en vois 4 du côté anglo et 2 du côté franco. Plus tard, on aura Massicotte, Statue Park, About, Ballager et Dear Criminals. Mais on commence en 20e francophone et c'est Cœur de ciment de Mardi Noir. Ouais! Au palmarès, c'est fou. Ça commence comme ça. Oh, on dirait que j'ai pris de la drogue. Mais c'est faux. Stay in school, don't do drugs. Kids, get off my lawn. Voyons. Je parle en anglais tout le coup.

Nouvelle entrée. Ballader et A Life Like This, nouvelle entrée en 19e anglophone sur l'album Ballader EP. Alors que du côté francophone, c'était Massicotte avec sa pièce Chérie, je jappe. Et là, on a bien compris avant la chanson que c'est bien François Massicotte, Monsieur Massicotte Powell. Moi, j'avais pas encore catché, compris le jeu de mots entre les deux. C'est sûrement pour ça qu'ils l'ont engagé, en fait, non? Engagé qui? Massicotte. C'est pas ça que tu viens juste de me dire? Que c'était François Massicotte qui faisait les pubs de Scott Powell? Oui, mais ça n'a pas rapport avec ça, là. Non? Ah, le gars qui chante, c'était pas François Massicotte. Juste pour être clair. Ouais. OK, cool. C'est pas sûr. du côté francophone, on saute par-dessus quelques pièces, mais on va écouter seulement de l'anglophone parce qu'il nous reste encore deux nouvelles entrées. Elles sont en anglo, les deux. Tout à l'heure, en 17e place, il y aura Statue Park et 1983. Mais on commence du côté anglophone avec Build It de About. Pas mal assez fou. 89 FM. I've been told that true love never seems to get in someone's way of fulfilling. succès. Nouvelle entrée. C'était Statue Park et 1983 en position numéro 17 anglophone, c'est nouveau. Et en position numéro 18 anglophone, c'était About avec sa pièce Build It. On dira ce que l'on souhaiterait en francophone tantôt, mais avant ça, on va dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées pour être remplacées par ces 6 nouvelles entrées qu'on a entendues en début d'émission. Ça veut-tu dire que... Pas de ma rest in peace? Pas en tout. Qu'est-ce que tu fais dire ça? Ah, c'est écrit sur ma page... Ah, ça doit être vrai d'abord. C'est sur Internet? Oui, c'est sur Internet. C'est vrai, c'est sûr. Ouais. Okay, merci. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Si je perds, quelle affaire? Si je perds, je meurs. Terrifié, terrifié. Terrifié, terrifié. Terrifié, terrifié, j'ai peur. se plaît shiner au milieu du décor. C'est qui est de mon bord. Laisse-moi pas tomber dans ma tête. Amway, Amway. Don't let them kill the wild animals inside of you. Don't let them kill the ce sera les pièces qui ont quitté les Pavards assez fous depuis l'édition du 13 au 19 janvier 2014. On a donc dit au revoir à Mange l'ours mange et sa merveilleuse pièce terrifiée. Tellement accrocheuse. Ensuite, Simon Kearney et Laisse-moi pas tomber qui a duré 8 semaines. On a aussi dit au revoir à The Cat Empire. Oh, dommage! Non! Avec Wild Animals qui est resté pendant 8 semaines. Et elle restera toujours dans nos mémoires. Dans nos cœurs. Oui, cœur d'animal, cœur de... cœur de loup. Ah, c'est ça, ça cherchait. Braids avec Incan qui a duré 7 semaines. Bells of Cologne de Imaginary Cities qui est resté 7 semaines. Et encore une fois cette semaine pour Hanalulu et Keepsake. Ta préférée, c'est toi qui l'avais mis dans le palmarès? Ben oui. Comme pas mal de choses qui sont maintenant dans le palmarès ben cette oui, semaine? Ben oui, fait que je me console. Il y a plein de trucs que j'ai déjà pré-approuvés. Ah, les tempes de Stéphanie Abrazi. Flash, d'accord. Donc voilà pour Palmarès et Peace. On fait ça chaque semaine juste après les nouvelles entrées dans les palmarès, c'est fou. Maintenant, on est rendu à sauter quelques affaires du côté franco. Ce qui n'était pas nouvelles entrées en 18 et 17, on les saute. Donc en 18e, on saute par-dessus Audrey Emery et La couleur des jours. Alors qu'en 17e position, on a sauté par-dessus Morning Man des frères Goyette. On va aller en 16e place de chaque côté. En anglophone, c'est Nico Case, oui, avec Night Still Comes qui descend de une. Alors que du côté francophone, ça a pris une petite drop de 13 places. On s'en va entendre Ligne ouverte de Hotech. Drop the beat! Drop the beat! Ah, c'est cool! Comme un fou, un toit qui coule en... dans la zone 89.1. C'est fou! 16. My brain makes drugs to keep me slow. A hilarious joke for some dead pharaoh. But now not even the masons know what drug will keep Nat from coming. There are so many tools that are made from my hands, but the tide smashes all my best laid plans to sand. And there's always someone to say it's easy for me, but I've revenged myself all over myself. There's nothing you can say to me. You never held me. Your hands of it. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star, because you can't hold it. Is it cause I'm a girl? If I puked up some sonnets, would you call me a miracle? I'm gonna go where my urge leads no more. Swallowed waist deep in the gore of the forest. A boreal feast, let it finish me, please. 'Cause I've revenged myself all over my. There's nothing you can do to me. You never held it at the right angle. You never held it at the right angle. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star, but wash your hands of it. Catch a, catch a, catch a, catch a falling star, because you can't own it. You never held it at the right angle. You never held it at the right angle. You never held it. You never held it. You never held it. You never held it. You never. Mine Still Comes de Nico Case, 16e position qui descend d'une place, mais au moins encore là, j'ai encore de l'espoir qu'elle remonte. Et du côté francophone, c'était Ligne ouverte de Hautech qui est là pour 5 semaines. Oh, boum, boum, boum, c'est bien ça. C'est bon ça, Ligne ouverte, boum, boum, boum, compose le numéro 555, c'est bon ça. Ouais, ça a pris une méchante drop. Faut s'en remonter. Ça fait juste 5 semaines. Okay, je suis pas prête mentalement. Appelez la hotline inexistante de C'est fou. Hey, on est rendu en position numéro 15 et 14. On va les jouer dos à dos comme on le fait face une fois de temps face. En temps. Oui. Donnez-vous la main et changez de place. C'est la danse des canards. Qui... Non. Ben non, c'est une toune de corde à danser. Ah d'accord. Donc du côté anglophone, on entendra dans quelques instants Baja Bulot et Tall Tall Shadow qui descendent de la 8e. Et ça monte de 5 places du côté francophone. Prenez le temps d'écouter, là, ça passe vite. Clignez pas des oreilles, c'est Dédompter ton chien de Rouge Pompier. Je la pars même pas pendant qu'on parle, même s'il y a un petit début, là, parce que je veux vraiment que vous puissiez maximiser votre écoute. T'sais, je vais vraiment baisser la trame. Et là, on arrête de parler avant de... Okay. Et maintenant... Dédompté ton chien, dédompté, j'ai dédompté ton chien. Il montait sur le divan, mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Délanté, délanté ton chien, délanté, délanté ton chien. Il montait sur le divan, il mangeait de la crème glacée. C'était le plus AGE UQTR est fier de s'associer à cette présentation des palmarès C'est fou. Je croyais que je t'aimerais toujours, car dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. Je suis mon Je sens dans mon lit. 14. Rudy is out on you. Christian Timmerler et Gravity, position numéro 14 qui monte de 4 en anglophone. Tu l'étudies en allemand? Je sais pas. Et du côté francophone, c'était Scaphandre de David et les Bois. Avant ça, on a entendu Baja Bolat et Tall Tall Shadow qui descendent de la 8e à la 15e place. Et ça montait de 5 en francophone, Dédompter ton chien de Rouge Pompier. On saute par-dessus les 13, 12 et 11 en anglophone. La 13e, c'est Radical Face, Holy Branches. En 12e, Luscious avec Turn It Around. Et en 11e, c'est Royal Canoe et Birthday. Du côté francophone, on saute par-dessus la 13e place qui est Mafia Douce de Pendentif. En 12e, Ton sac de natation de Navet Confit. Et finalement, en 11e, La Caravane de Bradicardi. On va sauter directement au top 10 au retour dans la deuxième partie de l'émission Les Palmarès c'est fou. Tu vas être là, je vais être là, le monde va être là. Oui. Be there. Laissez-nous pas tomber, là. Non, laisse pas, mais... Chance d'écouter Les Palmarès c'est fou. Oh, c'était pénible, ça. C'est fou. 89.1. C'est Les Palmarès c'est fou, c'est la portion numéro 2, la portion top 10 pour la semaine du 20 au 26 janvier 2014 et les Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. J'ai lâché ma feuille juste pour te faire un signe de main. Ben, c'était gentil, j'apprécie le geste. C'est vraiment du cœur, ça provient du cœur. C'était-tu la main gauche? Ouais. C'est correct. OK, c'est pas celle avec laquelle je m'essuie, ça que ça veut dire? La main gauche. Ça, c'est la main gauche, c'est celle avec laquelle on se fie dans le temps. Bon, on parle dans, de ça. Dans le temps. On parle de ça. Là. Mais ils font ça encore en Afrique. Ah oui, bon, ben tant mieux quand même. Ouais. On lui juge pas du tout. Finalement, tu m'as envoyé. Hey, 10e place, c'est ce qui commence notre top 10. Du côté anglophone, ce sera Dr. Doug parlant de. Quelque chose qui fait tout le temps des besoins partout. C'est Love qui monte de 9 places en 10e anglo. Et du côté francophone, on s'en va entendre Adieu mes chats de Jacques Maure. Chien et chat encore bien dans la main. Oh! Ça se met partout. Ça fait des dans besoins. La patte. C'est ça. Griffe. Hey, la boîte à son, toi. La boîte à son. Une radio, on appelle. Oui, c'est ça. Ouais. Hey, c'est des palmarès, c'est fou. Guédon ça. Guédon ça. C'est une chanson. Hey, je vais-tu arrêter de parler? Comment? C'est pas nécessaire, tout ça. Ça me prendrait un off pour le micro, c'est moi aussi. C'est vraiment pas nécessaire, ouais. Mais là, tu vas-tu te taire? OK, tch. Souvent, la maison vide sans tes affaires n'a pas changé depuis. Love de Dr. Dog, position numéro 10, ça monte de 9 places, c'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, c'était Adieu mes chats de Jacques Maure. C'est pas mal le fun comme 10e place. Commence bien cette portion d'émission, je trouve. Ben oui. Ben oui. Sais-tu ce qui sera encore meilleur d'une coche encore? Je sais pas. Les 9e places. Je suis sûr, du côté anglophone, c'est de Darcy's. Une coche. D'une coche, mais tu sais, à peine, c'est comme une coche. Du côté anglophone de Darcy's avec Muzzle Blast qui monte de 5 places. Alors que du côté francophone, on passe déjà à l'ancien numéro 1, donc ça descend de 8, c'est Je pars au combat de Guillaume Arsenault. Et juste après, ce sera les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Là, on monte d'une méchante grosse coche. Ouais, ouais, pour mieux redescendre après, comme. Terrible. C'est les palmarès. Jean-Philippe a raison, ça ressemble à une fin de comptine. C'est The Darcy's et Muzzle Blast qui montent de 5 places en 9e anglo. Puis je me demande à chaque fois, il va-tu réussir à finir sa tune ou il se rendra pas, là? Et trop des francophones, on a entendu l'ancien numéro 1, c'est Je pars au combat de Guillaume Arsenault. Tantôt, on entendra Claude Pelgag et de Pac Haley, mais avant ça, les meilleurs moments d'assemblage requis. Yeah! Hey, j'attendais tellement ça. C'est même pas du sarcasme, là. Non, ça avait l'air bizarre, mais bon, je laissais passer. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 20 janvier 2014. Au carnaval! Oui! Je vais à Rio! Hey, c'est excitant, ça, pour nous autres, hein? Oui! Du café Baileys, j'imagine, tantôt, donc on va pouvoir se commencer. Certains, les autres, pas nous autres, les autres vont non, les autres. Leur journée avec... Non, on pourrait quand même pas dire ça en onde, surtout pas quand je suis là, Les modes d'Internet abandonnés des années 90. OK. Tiens, la souris avec Phil. Le quoi, quoi? La souris avec Phil. La souris avec... Ah, excuse-moi, je pensais... J'ai entendu le zoo avec Phil. Je pensais à l'émission du matin, genre à... À quelle heure? Le zoo du matin! Avec Phil! Avec Phil! Roxane Dulon, comme certains diraient, je le ferai pas parce que c'est vraiment trop cliché, tu l'as sûrement déjà entendu mille fois, mais là, j'ai eu QTR, du long en large. Ah! Ah, non, je l'avais jamais entendu. Non? Et du long en large? Non. C'est pas pire, hein? Non. Non, okay, non. Le titre de ma chronique, du long en large. Du long en large. Ah, ouais. J'avais pas pensé à celle-là. Non, pense-y plus jamais. D'accord. C'est interdit. Dans la gang, tu sais, bon, t'avais le professeur, ouais. Marianne, Ginger, Monsieur Howell, son épouse, Capitaine Gilligan. Ils sont quoi, 7? Ouais. Gilligan. Ouais. Mais non. Moi, je me rappelle d'un huitième naufragé. C'était David Marin. David Marin, le vent, mais. David Marin. Très bon. Qui tombe à l'eau. T'as perdu tes clés ce matin? Ben non, pas mes clés. Ben oui, ouais, il était dans mes fesses. C'est ça, c'était pour ramener le fait qu'il était dans tes fesses. Dans les poches de derrière, en fait. Ah, ah, okay. On pourrait aussi lire. Ah! Oh. Oui, lire des... Nul, c'est découvert. Mais je mets jamais mes clés là, je sais vraiment pas pourquoi je les ai mises là. Ben, c'est un peu douloureux. Oui, mais je m'en suis même pas rendu compte en m'assoyant, je pense que j'ai les fesses gelées. Page d'histoire qui va être tournée pour les 50 ans de la Mustang, fait qu'on a bien hâte de pouvoir l'essayer. À quand l'association avec le jus pour pouvoir faire genre Mustang à l'orange, c'est comme du tang à la poudre de jus que tu... Le tang? Ouais, celle-là, c'est pas ta meilleure. On n'avait pas le tang pour cette blague-là. Pour revenir aux Corvettes, là. Quand tu amènes ton char chez un concessionnaire de Corvette, il devrait faire un branding que c'est un Corvettérinaire. Que c'est un Corvettérinaire. Oui. Ta petite bête. Là. Oui. T'as l'air tout subjugué par les événements. Oui, je cherche encore la carte. Regarde dans tes fesses, je te dis. C'est grivois, c'est pas fait pour les oreilles prudes. C'est 18 ans et plus. Aucun achat requis. Détail en magasin. Oui. On pourra faire une petite récapitulation comme ça, là, à chaque jour. Ah, une récap ou encore une récapitulation pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais, et c'est un peu comme tantôt le défi S3. Ça va être au recap. Au caps. Au caps. Au recaps. Celle-là, ça peut mériter. Je pense que ça mérite quelque chose. Ça mérite. Faut pas tout le temps réussir à se rendre jusqu'à notre but, tu sais. Quing, quing, quing, quing, quing. Avec les cling, cling. Qu'est-ce que c'est que c'est? Se rendre au drapeau qui lève sur la... Qui lève, oui. La pôle. Le mât. Le mât. Comme ça, je l'appelle le dorénavant le mât. Le mât. Il y avait de la circulation, un bouchon de circulation sur Saint-Maurice. Hein, oui, ça, donc attention, oui, bon, donc tout le monde, oui, bonjour, ici Pierre Bruno. Alors, il y a un bouchon de circulation sur la rue Saint-Maurice. Dans son nez. Dans son nez. Il y a un bouchon dans mon nez. Mais moi, ça m'a amené à l'idée que ce serait fun, c'est un jeu de société basé sur Trois-Rivières. Oh. On pourrait appeler ça Saint-Maurisque. Saint-Maurisque? Wow! Là, faut que t'essayes d'obtenir tous les quartiers. De passer ton opinion à la mairie. Exact. Essayez. Qu'on salue. Oui, allô, Mary. Salut! Merry Christmas, moi! Mary. Merry Christmas! Elle est vraiment trop bonne! Merci. Elle est vraiment trop en retard! C'est ça, elle est pas à jour dans les références. Oh, c'est pas grave, elle est écœurante. C'est pas la meilleure des comparaisons. On aime Nirvana, mais tu veux pas te faire appeler du Nirvana Light. 3 ans plus tard, sans la pomme. C'était les Nirwanabi. Oh, Nirvanabi. Nirwanabi. Ah, ben, crème est quand bonne. Quand même bonne, merci. Elle est bonne. Pour les prix des lofts, ça dépend vraiment, tu sais, ça dépend de qui cherche un appartement, parce que tu sais, c'est la loi de l'offre et la demande. L'offre. Ah, l'offre et la demande. Ah. Quand même pas pire. Au début, j'ai entendu l'offre et la demande, mais ça, c'est quoi, j'ai failli. Ils ont beaucoup d'avantages. Sociaux. On a sorti les nouvelles règles d'équité salariale dans le bureau, si vous voulez passer les voir. C'est pas des nouvelles règles d'équité salariale. Moi, ce que je fais le matin, c'est l'équité des céréales. T'sais. Parce que comme ça, je vais vraiment voir la moitié. La moitié Froot Loops, la moitié céréales santé, c'est l'équité des céréales. Hey, laisse faire. Tu mets pas la moitié de céréales santé, ça fait. Tu sais, les nectarines, c'est comme des pêches nues. Ouais. Épilées. Mm. Dans le fond, les nectarines, là, c'est les douchebags des pêches. Ça fait à peu près un mois qu'on lui a pas parlé. Et là, moi, je suis en manque de politique. Et ça tombe bien parce que... Dis-le sérieusement sans rire, s'il vous plaît. Je ne sais pas où est Mme Ouda Pépin. Si quelqu'un l'a vu, s'il vous plaît, contactez-la. Aïe, aïe. Mais où se cache? Ouais, c'est facile. Moi, je dis qu'il y a des pépins in the hood. Oh, elle est bonne, celle-là. Pépin in the hood. Elle est bonne, Mathieu. Elle est bonne. Yes. Ses collègues refusaient encore une fois d'interdire le port des signes religieux, même pour les figures d'autorité. Donc, que tu sois un juge, un gardien de prison, un policier, un procureur de la couronne, tu aurais le droit d'arborer un symbole religieux. Pour les figures de style aussi, c'est accepté. Si, mettons, tu veux faire une expression, tu veux faire une figure de style, tu te mets un cheddar. Le cheddar? Cheddar. C'est un mélange Tex-Mex. Flock. Philippe Couillard, dans sa conférence de presse, a dit qu'il lance un ultimatum à ses députés. Il n'a même pas pu l'appeler. Il a fallu qu'il fasse une conférence de presse pour l'interpeller parce qu'elle n'était pas encore rejoignable. Donc, il a dit ça passe ou ça casse, tu restes ou tu quittes. C'est quasiment comme lui dire de marcher sur la planche, là, comme dans le temps des pirates. Là, t'sais, dans les pirates, comme tu sais, Couillard. Yarr! Comme les pirates disaient. Non, moi. Couillard. Ça sent bon, ça sent un peu boisé. Ça sent la forêt, je trouve. Tu sais, comme les mélanges forestiers. Ou chose forestier. Louise Forestier, la chanteuse. Quand tu la sens. T'as déjà senti. Non. Non, on repart pas avec ça, là. Ça, c'est la meilleure. Ça, et l'offre et la demande, je la trouve parfaite. Ouais, parce qu'en tant que pirate, t'es pas très crédible. Non, pas tout à fait. Parce que toi, t'as pas de jambe de bois, t'as un bras de bois. C'est ça, j'ai un bras canadien de bois. Mais bon. Hey, ouais, je me trouve pas si drôle que ça, mais quand même, c'est mes moments mémorables que je trouve dans un instant. Moments mémorables. Moments mémorables. Retrouvez-nous à Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Là-dedans, il y a Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Lundi et mardi. Il y a toi, mercredi, jeudi, Stéphanie Parasite. Et moi, l'ensemble, toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses sont bonnes pour moi. Ouais. L'humour, par contre, pas tellement. Ça dépend des fois. Oui, il y en a quelques-unes de pas. Mais en fait, ça dépend pas juste toujours de toi. Des fois, ça dépend de moi. OK. Parce que des fois, je suis moins réceptive. C'est ça, hein? Des fois, tu la comprends pas ou tu trouves que je suis cave, alors que pourtant, c'est très songé. T'sais. Mais c'est parce que des fois, t'es lourd. Des fois, tu parles, je suis comme... Oh, man! C'est épuisant, hein? Il est 7h30, calme-toi! Mais moi, c'est parce que je suis déjà à on à peu près quand l'émission commence. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant, je dors dans le char tellement que je suis fatigué le matin. Ça me prend 2 heures à me réveiller, puis de, t'sais, à démarrer ma journée. Mais une fois arrivé en studio, on dirait que ça coule de source, t'sais. Hey, ça coule comme de l'eau. Oui. De l'eau de source. C'est ça. OK. Oui. Je suis bonne à Fort Boyard dans les petits devinettes. Hey, dis-moi pas les punchs. Je l'ai pas encore regardé. C'est sur mon PVR DVR. Oh. C'est ce soir que ça se passe. Hey, c'est tentant. Je pourrais te menacer. Et Colin, c'est-tu en HD en plus? Ça va être beau en monde, dis-moi. Et moi, ça va être bon, ça. Ce soir, je vais évidemment écouter Cifou en même temps parce que je peux pas écouter d'autres choses que Cifou. Hein, une oreille pour un, puis un œil pour l'autre. C'est ça. Je vais écouter ça aux heures où il n'y a pas d'émission en direct. Puis je vais être correct. Ma job est faite. Je promouvois Cifou et rien d'autre. Voilà. Maintenant, on est rendu au position numéro 8 du côté anglophone. C'est The Pack 80 et Big Shot qui montent de la 20e place. C'était nouveau la semaine passée. Et c'est stable. Du côté francophone, c'est Rayon X de Claude Pelgag. Au palmarès Cifou. Et ça, c'est seulement à Cifou. Ben oui. Ça serait bizarre un autre poste. Ouais, puis il y en a pas d'autres postes, mais de toute façon, il y en a pas d'autres. D'autres quoi? D'autres, hein? Ton sabre laser sous mon rayon X fait briller mes cristaux dans ta chambre noire. J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Tu brillais si fort

The Pack 80 et Big Shot montent de la 20e à la 8e place. C'était nouveau la semaine passée. Et du côté francophone, c'est stable. C'était Clopelgag et Rayon X. Tantôt David Marin et Lederhosen, Lucille et Krista Muir. Mais avant ça, on retourne en arrière. Voici C'était fou. C'est le bloc C'était fou. On retourne dans le passé. Cette fois-ci, c'est la semaine du 18 au 24 janvier 2008. Oh. Tu vois qu'on avance, je sais pas, on dirait que c'est comme voulu que j'avance d'une année à chaque semaine, genre, jusqu'à maintenant. C'est pas mal ce que je fais. Personne n'a remarqué. J'avais pas remarqué, non. Ben, c'est le genre de détail, dont tout le monde, comment je dirais bien ça, sac. OK, oui, excuse, oui, sans sac. Non, quand même, je vais préserver mes mots. Je vais porter attention à mon contenu, et puis si ça plaît à quelqu'un autre que moi, tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave. Mais les tournes sont bonnes, là. Voilà. Mais l'année... Donc, on va retourner en arrière en 2008, à la même date. Oui, il y a quoi de cela? 6 ans, mettons, si on veut, plus ou moins, environ. Je sais pas, ça me tente pas de compter. Mon sens sèche! C'est à la fin de journée! On entendra plus tard Figurines ainsi que Gatineau. Oui, Gatineau, qui ont été vedettes dans une réponse à une question au quiz C'était fou. C'était fou. Le quiz s'appelle C'était fou la musique, là. Oh oui, c'est ça. C'était fou, c'est le nom du bloc. Mais on va débuter avec ta pièce préférée. Je te l'ai dit, vu que tu m'as envoyé promener en disant que tu te fous de mes affaires, OK? Ben, je vais te renvoyer la balle en t'envoyant une chanson de 0 à 1. C'était la première fois. Ah. Je sais qu'elle l'haït, cette chanson-là. Tu veux que tu te battes? C'était la première fois que je voyais la plus grande l'amour. Si on peut appeler ça, de l'amour. C'était la première fois que je voyais la plus grande l'amour. Que je voyais le plus fort de l'amour. Si on peut appeler ça, faire l'amour. J'étais horrifiée et fascinée à la fois. Malgré ma répulsion, comme hypnotisée. Je ne pouvais détacher le regard du dégradant spectacle de cet accouplement bestial. C'était la première fois que je voyais un peu plus fort l'amour. Si on peut appeler ça, faire l'amour. Hey girl, Il me reste plus une maudite scène jusqu'à la fin du mois. Tu sais que le mot c'est le chômage, je vais pas chier loin que ça. J'arrive du bounce. Je dois t'aller vendre. Au moment, faut bien survivre en attendant que chaque round. Faut que je bois de la bière, que je chante un peu, que je m'alimente. Que je fume une coupe de pas de weed pour arriver en détente. Tout way bar, tous les jeunes que de mille ont de la théâtre. Et finalement, j'ai pas de mots de sentiment donc. Laisse-t'aller, ça va mal, la chop. Laisse-t'aller, y'a pas ma plus de temps que d'op. Laisse-t'aller, j'passe pas mal de temps, pas de chop. Laisse-t'aller, ma vie a pris une drop. Laisse-t'aller, ça va mal, la chop. Laisse-t'aller, y'a pas ma plus de temps que d'op. Laisse-t'aller, j'passe pas mal de temps, pas de chop. Laisse-t'aller, ma vie a pris une drop. En ce moment, j'aime en bas de la pente. Quand ça sonne à porte, check par la fange. M'attends à ce que les chalocs personne descende, que le propriétaire défonce. Pis qui rentre, la menace de faire couper les draps. Moi, j'ai au rock mount. J'ai plus combien de chèques en blanc qui rebondissent sa balle. Les huissiers peuvent saisir, y'a rien à prendre. Je veux juste qu'on m'aide un peu, que je puisse me reprendre. Tu vas pas oublier là? J'ai pas ton cash là, mais faudrait que tu me rappelles. Demain? Ouais, demain. Ah! De ce temps-là, y'a pas mal plus de down que d'up. De ce temps-là, j'passe pas mal de temps par choc. De ce temps-là, ma vie est plus grosse. Ça me fait tellement du bien de pouvoir écouter du Gatineau un peu une fois de temps en temps en onde. À part, tu sais, chez nous, je l'écoute tout le temps. Gatineau, j'adore la pièce Punch Up sur l'album Gatineau. Avant ça, on a entendu le numéro 1 anglophone pour la semaine du 18 janvier 2008. Figurines et Hey Girl, une autre pièce que j'adore de l'album When the Deer Were Blue. Et en première place franco, c'était 0-1-1, que j'aime correct, mais toi que tu détestes. C'est la pièce, c'était la première fois sur l'album simple. En fait, c'est juste un simple, c'est un single. Ça fait bien mon affaire. Pas mal ça. Donc, semaine du 18 au 24 janvier 2008, c'était excellent pour moi, ça. Ben, c'est mon choix, c'est ma chronique, c'était fou. Merci beaucoup. Voir ce qui se passe ailleurs dans cette même semaine-là. Il y avait du Tricot Machine, il y avait le Husky, il y avait quand même pas grand-chose finalement. Elmotor, on avait confié Steve Hill. Elmotor? Oui, Elmotor, avec Hippocampe. Artist of the Year qui font nos génériques, nos palmarès. Oui, on le sait, tu le dis à chaque fois. Je sais bien. Mais ils ont été là souvent, que voulez-vous. We Are Wolves était là aussi et plein d'autres. Voilà. Le lien sur assemblagerockey.com pour voir le reste de la liste pour ceux que ça intéresse. Moi. Ceux que ça intéresse pas. Allez-y pas, bon Dieu. Cliquez pas dessus. Appréciez pas mon travail. On est rendu toujours avec Palmarès C'est Fou de la semaine du 20 janvier 2014, de retour dans le présent. En anglophone, c'est Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec Chicken on Clark qui monte de 5 places. Et c'est stable du côté francophone. C'est Le Vent Vire de David Marin. Bon, ça t'intéresse, hein, je te gage, c'est ça? Le Vent Vire. Tout le reste, tu t'en sac, mais ça t'intéresse. C'est pas vrai. Il y avait juste là ta dernière toune là, que j'aimais pas. Là. La dernière qui vient de jouer là? Non, la première, excuse. Ah, la première, ouais, ouais. Mais c'est la dernière si on y va à reculons, parce que là, on était dans le passé. Tout à fait. Tu comprends donc mais pas ma logique de cerveau. Bon, ben, c'est fou. Palmarès, les c'est. Kéo. Oh! Non, faut dire d'accord. D'accord. Tout ce qui tombe à l'eau. Tout ce qui tombe à l'automne. Comme un matin de rentrée, un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui fait faux bon, me donne envie de plonger pour voir si dans le fond y a pas un escabeau. Remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Jusque dans le piano, les trucs que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser. Dans ma vie. tombe à l'automne. Les palmarès C'est fou vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Do it. Soweto de Jobin, position numéro 6 stable sur l'album The New Religion Project. Et avant ça. Je sais pas, là, je suis pas capable, je suis pas là. C'était Mimi Vandaglo qu'on a sauté avec plus de cris qui descendent d'une place. Et là, on a même pas le temps de vous raconter la parenthèse, on va le faire en début de troisième heure, d'accord? On revient dans quelques instants avec l'édition top 5 des Palmarès assez fou. Mais pour l'instant, amusez-vous pendant la pause, on va vous parler de cuisine après ça. C'est une grosse affaire de cuisine, ça va être bien drôle. Ouais. Restez là. Inside! Mais pour l'instant. Dans la zone 89.1. C'est fou! Bonjour, c'est la portion top 5 des palmarès C'est fou pour la semaine du 20 au 26 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Tantôt, on est en train de jaser un petit peu de cuisine en ronde et quand même, ça te fait rire, mais mettons-nous en contexte un peu pour pouvoir rire avec toute la population de petits palmiers. Ah, mon Dieu. Ben moi, honnêtement, pendant les tournes, à cette heure-là, je suis tout le temps en train de regarder des recettes sur Internet. Puis j'essaie tout le temps de convaincre Mathieu d'essayer des trucs, tu sais, de pas toujours manger des trucs congelés ou en canne. Et là, je regarde une recette, genre, mon Dieu, ça a l'air bon, simple et goûteux. Mais lui, sans absolument rien voir, tu me réponds, ben, c'est déjà trop compliqué pour moi. Sûrement, oui, probablement. C'est incroyable. Fait que là, j'ai osé te demander, est-ce que tu te fais ça des fois, des ramen, mettons? Oui, tout le temps, je fais bouillir de l'eau et je verse dans le petit cop de carton. Clac, c'est fait. Mais je savais même pas que ça se faisait. Mais moi, j'aime pas ça déjà dans le carton. Là. Au moins, t'achètes les sachets que tu mets dans un chaudron. Non, attends un peu. Tu mets ça dans un bol de plastique, tu fais aussi bouillir ton eau, tu sacs ça dedans, c'est tout. Hein. Je savais même pas que ça se faisait. Ben là, un chaudron. En tout cas. Fait que bref, moi j'ai dit, ouais, non, mais non, tu fais pas ça dans l'affaire. Comment t'appelles ça l'affaire? L'affaire, tu sais, qui va sur le poêle avec une poignée puis c'est fait en métal. Ben oui, je dis craft dinner, tu fais ça. Ah oh, oui, ça. Ça, des fois, je fais ça dans le. Voyons, comment ça s'appelle? Un chaudron. Un chaudron. C'est tellement le fun, genre, des cuisines avec toi, tu sais. Je suis un grand connaisseur de la incroyable. Base. Incroyable. Je vais le retrouver, Danny Janvier, si ça te dérange pas. Sans ouais. Cuisine, c'est un petit peu plus intéressant. Co-animer donc les palmarès c'est fou ensemble, tant qu'à faire. On va juste parler de bouffe, c'est ça le problème. Ça va être le palmarès des meilleures choses à cuisiner, ça va être génial. Mmh. J'ai faim. Mmh. Il est trop haut, en tout cas. Pourquoi est-ce qu'on fait? Ben c'est ça, il est soit 5 heures, OK? Quand on joue le jeudi en direct, il est à peu près 17 heures, OK? Okay ce qui veut dire que le vendredi soir, il est environ 19 heures, aussi une très bonne heure pour souper, tu sais. Surtout le vendredi. Genre, et le dimanche, on joue à midi, donc il est rendu à peu près 14 heures, un bon petit snack, tu sais. Ben c'est l'heure soit de dîner, soit de manger un bon muffin. Oui. Toutes les heures sont bonnes pour manger quand on regarde ça. Ouais. Pourquoi arrêter, tu sais? Surtout que le dimanche, on sève plus tard. Yes, donc, on brunch. Oui. Mais là, à 2-3 heures, ça gargouille un peu. Mm-hmm. Là. C'est l'heure du thé. Comment on dit? Comme petit biscuit. Petit biscuit craquelant. Le doigt dans les airs. Et là. Voilà, avec une action. Donc, toujours les palmarès, c'est fou. Croyez-le ou non, on a commencé en parlant. On fait jamais ça à l'émission, mais ça valait la peine ce coup-ci pour parler de je sais pas c'est quoi un chaudron. Et je suis chaudron. C'est toi. C'est ça, exactement. Côté anglophone, la cinquième place est occupée par Save the Whale et Willows. Et du côté francophone, ça descend seulement de 1, c'est Le corps est lourd, on a créé un monstre. On écoute ça au palmarès, c'est fou, ça c'est fou. C'est original. 89.1 FM. Corps est plutôt raide et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids. Le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Le corps est lourd, l'âme est légère comme l'air. Le corps est lourd, l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te pousse à contre-courant, le glissement de tes pas. Balai sur un tambour, les yeux vers le bas. Tu as des signes subis.

C'était C'est the Whale et Willows pour ce numéro 5 anglophone. Et du côté francophone, c'était On a créé un monstre et l'excellente pièce Le corps est lourd. Je pense que si j'avais à choisir un bloc, un ensemble de pièces que j'ai préféré cette semaine, ce serait ce bloc-là. Il me semble que tu dis ça depuis le début de l'émission. Ouais. OK. Ouais. Je suis de même. C'est tout le temps ma préférée. Incertain. Ah, un éternel indécis, si on veut. Ouais. Ça doit être long, toi, au restaurant, choisir ton menu? Non, pas si pire. Je vais prendre ce qu'elle prend, tu sais. OK. Je copie tout le temps le choix de l'autre, tout le temps. Okay. T'as pas marqué ça encore, hein? Oh. Non? Ben non, j'ai pas eu l'occasion si souvent que ça d'aller au restaurant avec toi. Non, mais quand même, mettons, à la chasse-galerie, café, tu sais. Quoi que c'est vrai que je fais le contraire de toi pas mal. Ça se garde, t'as raison, je fais le temps. Après un corset, je prends un velouté. Ah, Colin, je suis comme un genre de paradoxe ambulant, tu sais. T'es bizarre. Moi, je suis un bizarre ambulant, mais au moins, je suis ambulant, tu sais. Oui, oui. Oui, oui. T'es un véhicule d'urgence. Il est capable de marcher. Ah, bon. Colin. Limite, limite. Où est-ce que ça s'en va ce soir-là? Si tu pouvais ne pas ambuler, je pense que tu le ferais. Oui. Genre être assis sur mon steak. Ouais. Puis le manger. Exactement. Manger mes fesses, si on veut. C'est ça que ça veut dire, finalement. Tu t'auto-mangerais fesses, wow, si ouais. tu pouvais. N'importe quand. OK. Aïe, aïe. Si tu penses que ça va aller quelque part, ça va ailleurs, puis c'est encore pire, tu sais. Chaque corridor est comme, le pire, tu sais. Bref, c'est pour dire qu'on est rendu au position numéro 4. Tout mais, ça pour ça. Mais avant ça, Ouais, ouais, non, je te le dis, comme ça, à brûle pour point, c'est une surprise. On va faire un autre petit bloc, comprenons-la dans la chanson, tu sais. On fait ça une fois par année, ça arrive. Donc, on va comprendre les paroles. Le corps est lourd. T'en as créé un monstre. Merci. Tu me disais tantôt, je comprends rien de ce qu'il chante, mais c'est bon. Ben, je vais t'aider à comprendre un peu ce qu'il dit. T'sais. Pour vrai, je comprends pas. J'essaie d'être attentive, mais ça sonne vraiment bien. Ça coule. Exactement. C'est des paroles qui sont écrites un petit peu pour sonner bien. Je pense que c'est juste l'intérêt, c'est que ça sonne bien. Donc, allons-y et comprenons la chanson qu'on a entendue il y a deux cases. Donc, c'était la première du bloc tantôt. La corde est plutôt raide. La corde est plutôt raide. Et la gravité. Pas une dictée, non, okay. Et la gravité affamée. Il n'y a aucun filet en dessous de tes pas. Tu as tout ton poids, le vide a tout son temps et la lourdeur de ton tourment te déshabille parfois. Le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te pousse, le corps est lourd, mais l'âme est légère comme l'air. Quand le vent te pousse, à contre-courant, si on avait compris. Les glissements de tes pas comme un balai sur un tambour, les yeux vers le bas, tu hallucines subitement. Tu lévites là-haut, au-dessus de tes moyens, de tes affaires. Tu sais si bien le faire, tu sais si bien le faire. C'est beau! C'est de la poésie, ça. Et ça sonne bien en plus, fait que, tu sais. Hey, hein? Wow. C'est malade. Avec ta douce voix en plus. Ah, oh, ben là, on peut pas tout avoir. Hein. T'as mis tellement d'émotions. Tellement. Le corps est lourd par nos amis dont on a créé un monstre. Voilà. Retournons à nos positions numéro 4 du côté anglophone. Ce sera 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, on dit 4. Du côté anglophone, The Civil Wars et I Had Me a Girl qui monte de la 11e place. Et ça monte de 12 du côté francophone. C'est seulement sa deuxième semaine et c'est Rêvé souvent de Jimmy Hunt. 4, 4, on appelle le 4. 4, 4, 4, 4, 4, 1, 9. 4, 4, 4, 4! We'll be right back. Civil Wars, I Had Me a Girl. Ça monte de la 11e à la 4e position anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Rêvé souvent de Jimmy Hunt. Oh, et avant de passer à Ariel et Cowpuncher, c'est le moment de voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco et un top 20 anglo. C'est aussi un top 30 des albums, un top 30 des disques canadiens, un top 10 lors de top 5 musique du monde. Mais viens donc, c'est que t'as pris ça. C'est tout au complet, ça. J'ai pris ça sur la feuille. OK. Fait que si c'est sur la feuille, c'est que c'est vrai. Ben, ça doit. C'est pas sur Internet? Oui, aussi. Ah, c'est sur Internet. Ah, c'est vrai. Ça n'a pas le choix d'être vrai. Génial. On va donc commencer avec le top 30 des albums. On a 4 nouvelles entrées. En 20e place, Dear Criminals avec l'album Weapons. Ensuite, en 19e, Balladeur avec l'album Balladeur. C'est un EP. En 18e, About avec l'album Marga. Et finalement, en 17e, Statue Park avec The Cities We Planned, The Cities We Made. Ensuite, on passe au aux trois premières positions. En 3e place, c'est Cowpuncher avec Ghost Notes. Ensuite, en 2e, Sebastian Gringer avec Cure to Discover. C'est l'ancien numéro 1. Et en première place, ça fait une montée de 3, c'est Marc Bérubé avec Russian Dolls. Ensuite, au top 3 des disques canadiens, aucune nouvelle entrée. En 3e place, c'est Cowpuncher avec Ghost Notes qui a monté de 6. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Sebastian Gringer avec Yours to Discover. Et finalement, en première place, ça a monté de 3 aussi, Marc Bérubé avec Russian Dolls. Dans le top 10 loud maintenant, aucune nouvelle entrée. Dans la position numéro 3, on retrouve EPK avec Retrospect. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Hell avec Curse and Chapter. Et en première place, ça monte de 9. Nouvelle entrée de la semaine passée, The Devin Townsend Project et The Retinal Circus. Dans le top 5 musique du monde, une nouvelle entrée. En 4e place, c'est Eva. une pièce de Angélique Kidjo featuring Asa. En troisième place, ça descend de une, la pièce La Track 3 de Maz. En deuxième, ça monte de une, Normand Slang par Ibrahim Malouf, qu'on a entendu la semaine passée. Et en première, c'est stable, Bonbons étoiles de Nathalie Natiemboul. Ton trifluvien est ressorti un peu. Un peu par erreur, une fois de temps en temps, ça arrive. Bref, Bonbons étoiles, une grosse pièce que David Ferron adore et on aime beaucoup aussi cette pièce-là. Pas mal assez fond, on l'a déjà entendu et quand même intéressante. Mais ce qu'on va faire là, c'est écouter encore une fois une pièce du Top 5 Musique du Monde. Ça fait deux semaines de suite. On ne s'en passe plus maintenant, on aime ça. On va écouter la nouvelle entrée, tiens. Angélique Kidjo featuring Asa, c'est la pièce Eva qu'on retrouve sur African Music 2013. La compilation de musique africaine, évidemment. Évidemment. On écoute ça. On parle assez fou. Ailleurs, dans les paparazzis. On dira pas quoi faire. Wishing for a friend, someone to call my own. Who's up for me? Have no bound and can be sold. Keep me friends, gonna catch me when I fall. Oh, when I fall. Ever. Eva, e holo, Eva. Eva, imani, Eva. Nunca holo, ora no vio. Mi vado to vire. Mi vado to vire. No vinye neva, e neva, e. Agala nune, a pia poia nana. Neva, e. Angélique Kidjo featuring Asa et la pièce Eva ou Eve, dépendant si tu regardes la pochette de l'album où c'est écrit EVE, mais partout ailleurs ça dit Eva. Donc, Même elle dit Eva. Même elle dans la chanson tellement elle dit Eva, mais bon, peut-être qu'elle l'accent. Eva. Ça peut être entre les deux. Bon. Si vous aimez ce genre de musique-là, écoutez donc Brancher le Monde les dimanches soirs à 17h avec David Ferron. Bonne idée. C'est ça. Puis ben, c'était. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Yo-yo. Yo-yo. Wow! Ben, c'était yo. Bill yo. Boquet. Marel. Marel. C'est la position donc numéro 4 du palmarès musique du monde. Encore une fois, branchez le monde, c'est les dimanches à 17h. On dira jamais assez. On retourne à nos deux top 20, franco et anglo. On était rendu aux 3e place. Et en anglophone, c'est Carpuncher avec Bridesmaids qui monte de 6. Et pour sa deuxième semaine de Ariel, on s'en va entendre Vice étrange. Ça a monté de 16. Wow! Oh, wow! Je me demande... Comédie. Wow! Je me demande qui l'a fait jouer si souvent. Je sais pas. Soit. Peut-être le matin à Assemblage Requis. Une autre belle plug. Ben là, vous êtes au palmarès, c'est fou, mais là, ça va faire les plugs. Hein. Les gens le savent, l'émission qui écoute, là, d'habitude, non? Non, pas vraiment. On le dit jamais assez. De dépressant, en stimulant. Dum, dum, bon, down, down, down. Donnez-moi de quoi toffer la ronde. De dépressant, en stimulant. Dum, dum, bon, down, fun, fun. Que de choix, oh joie. Cacher ce canon. D'un bout à l'autre des saisons, le paiement d'un M maestro me mène en rond. Au fond, les rien ni personne. De l'étang, j'en suis de fange. Top, top, un down, conconne. Votre roi se noie, les mains sur sa couronne. Dans la zone 89.1. C'est fou. 3. The last time. C'était Cow Puncher et Bridesmaids. Position numéro 3, ça monte de 6 places en anglophone. Et du côté francophone, on a entendu Ariel et Vice étrange. Hey, c'était un bon bloc. Ça, c'est pas le genre de bloc que t'es genre en train de faire autre chose pendant que tu l'écoutes. Parce qu'il faut vraiment que tu te concentres tellement c'est bon. Là. Ben oui, on manque pas du tout la fin de la chanson. On n'a pas failli passer à ça, genre. Là, je mets deux doigts de distance. Ben, dépendant du doigt. 2 pouces. Non. Je sais pas. 2 index, même. 1 index. Moi, je parle en sous-marin. OK, parfait. Un tiers de sous-marin. Mais non, mais mettons un 6 pouces. Je te dirais. Ouais, t'as montré à peu près 3 pouces, je te dirais. OK. Je disais quoi, moi, là? Que j'étais à ça de rater la fin de la pièce parce qu'on jasait. C'est ça. 3 pouces. Mais c'est un bon bloc qui a 3e place. On est rendu maintenant au 2e. Du côté anglo, on entendra Sebastian Granger qui est lancé numéro 1. Going with you, c'est dommage, mais ça descend de 1, c'est rendu en 2e. Comment? OK. Et du côté francophone, une belle montée, ça monte de 16 et c'est Tes yeux de Monogrenade. Et ça, c'était assez fou, 80 Fufum. Fufum. Fufum. 89 FFM. D'accord. C'est fou quand tes yeux me traversent. J'oublie mes pieds, je perds tout le reste. Qui prennent tout, qui mettent tout en pièces. J'y reste quand même. Je pourrais me perdre et me perdre des kilomètres encore. Keep it up through the night. Sebastian Granger, lancé numéro 1, Going With You sur l'album Yours to Discover. Et tout juste avant, du côté francophone, on a entendu Tes yeux de Mono Grenade. Comment t'as fait pour entendre mes yeux, man? Mais tes amis dans mes oreilles. C'est toujours mieux que se mettre une crotte de nez dans la bouche comme au jeu YOLO du carnaval étudiant plutôt. C'est dégueulasse. Vraiment? Mais je pense qu'elle a quand même été chanceuse, la fille, parce que c'était pas une crotte de nez de quelqu'un de laid. Non, c'était PC, là. Pierre-Christophe Hubal, je sais plus qui. Là. PC, bref. Falardeau. Mais c'est vrai, je veux dire, on dirait que manger une crotte de nez de quelqu'un qui paraît bien, on dirait qu'elle est moins sale qu'une crotte de nez de quelqu'un que tu trouves pas beau, qui a l'air pas propre. Ben, je vais prendre ça comme un compliment pour lui. Il va prendre ça comme un compliment. Ben, c'est un compliment. C'est un compliment. Mais tu sais, les filles, ça peut être des fleurs, tu sais. Fait que les crottes de nez, c'est évidemment des Smarties, genre. C'est ça? Imagine? Non. Ben non, franchement, non. C'est des Skittles. Des Nerds. Ça ressemble plus à un Nerds. Ah! C'est là, les petites... Tout le monde sait c'est quoi des Nerds. Ouais, je sais bien. Mais tu vois, ça aurait fait de meilleure référence que YOLO, parce que c'est des jeux des années 90. Je comprends pas comment ça fait que le jeu s'appelle YOLO. Tu sais, les autres s'appellent La Mort Maléfique, clairement une référence aux zigotos des années 90. Ben oui. Mais YOLO, c'est de 2013, genre, sérieux. C'est comme si on avait mis des questions sur Lisa Leblanc dans un quiz musical des années 90. Ben là, en tout cas, tu l'as dit, hein, tu sais. Oh, je fais pas de pin, moi. Rapport! Ben oui, c'est de pin. Mais ça fit pas plus. Ah, c'est de pin pareil. On s'en reparle. On est rendu au numéro 1. Hey, faut faire des jeux de mots poche. Ben, vas-y. Veux-tu que je te pine les jeux de mots poche? Check bien ça. Non, je veux pas que tu me pines pas en tout. Non? Ah non? OK. Parce que pourtant, moi, l'étalon, l'étalon pourrait causer ta mort si jamais je te pinais de cette façon-là, comme un cheval. Pas de danger. Comme, vous savez, à Montréal, les gens peuvent te sauter dessus. Tu sais, si on prie, mettons, tu sais, comme, mettons, des selles de bain. OK, de bain, fiu. Des selles de bain. C'est un petit peu vieux comme référence, mais mettons qu'à Montréal... Ça fait années 90. Quelqu'un pourrait te sauter dessus et te manger. Genre, comme un Montréal carnivore. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, ça. Et puis là, peut-être que tu devrais te confesser parce que t'as mangé quelqu'un d'autre, tu sais. Là, on renverse les rôles, t'es rendu la personne qui mange ou la personne qui se fait manger, tu sais. Et là, tu pourrais te confesser à la lumière du coin de la rue pour lui dire, quand même, j'ai mangé un autre humain, tu sais. Comme, mettons, je l'ai mangé comme... j'ai rien pour Marc Bérubé. Je dois me confesser, moi-même. Tu vois, je me confesse dans mes jeux de mots, j'ai rien pour Marc Bérubé. Je n'ai pas de jeu de mots pour Marc Bérubé. Mais c'est bon. Bérubé. Non, j'ai rien du tout. Dans c'était vraiment mauvais comme jeu de mots. Dans la rue B. La rue A, la rue B. C'est comme la même chose. C'est comme aller du point A au point B. C'est exact, mais deux fois. B, rue B. C'est comme du ketchup au tomate au ketchup. Non, mais c'est comme dans le fond, si t'es trompé de chemin, tu vas du point B, tu vas aller du point A au point B, tu t'es trompé, fait que tu pars du point B et tu reviens au point B. C'est comme une boucle. Voilà, qui commence aussi par B. Tu peux expliquer les jeux de mots? Ouais, je suis pas sûr que ça vaut la peine. Ben, on peut quand même annoncer ce qu'on s'en va entendre. Ça va peut-être être plus clair. C'est ça. Donc, du côté anglophone, on s'en va entendre le numéro 1, ça monte de 3. C'est Confession to a Streetlight de Marc Bérubé. Mais tout d'abord, on s'en va du côté francophone pour entendre Ton cheval est mort de Montréal Carnivore. Ça monte de 10, quand même. Dit comme ça, là, tout se tient vraiment beaucoup. Ben oui, c'est des mots dans le bon ordre. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89. Cheval est mort, tu n'as plus monture, ton cheval. position. Now the sun is spitting shadows as it pours through the blinds, and the room is suddenly a shade of blue. I can see your face lie on its side, a strand of hair across your eye, a flower in the early morning glow. Numéro 1 de chaque côté. En anglophone, on vient d'entendre Mark Burubay et Confession to a Sweet Eye qui montent de 3 places. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Ton cheval est mort de Montréal Carnivore, tiré de l'album Jambes. Ah, Jambes! Ça doit avoir un rapport, genre jambes humaines. Peut-être. On va leur demander, on va se renseigner. Je sais vraiment, pas. Vraiment, tu vas-tu vraiment le faire? Non, je trouve non. Me semblait aussi. Vraiment pas. Donc, c'est tout pour les palmarès fous pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2014. Merci, Stéphanie Paradis. Merci, Mathieu Plante. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h en direct? Si t'es fin. Oh, oui. Pour ceux qui nous écoutent le jeudi, d'ailleurs, restez à l'écoute pour Ali Vrouval, l'émission de littérature. On repasse les vendredis soirs entre 17h et 20h. Après nous, c'est les Bonnets Rouges. Et finalement, les dimanches, entre midi et 15h. Plus tard, aujourd'hui, à 16h, il y aura Raconte ta ville avec Chantal Carignan. Voilà. À la semaine prochaine. Allez voir cifou.ca, assemblagerequis.com. On va se quitter avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire à la position numéro 6 du côté franco. Et c'est Plus je crie de Mimi Vanderglo. Ah, bye bye! Bye bye! Je crie, là! T'es qui pas tant que ça! Si tu cries plus fort, on t'entend mieux! Écho. Non? C'est de l'écho? Écho, écho, l'écho. L'écho de mon village. Coupe mon micro. Je pense que c'est ce que j'allais faire. Parfois j'écoute la nuit qui râle. J'entends le dégoût dans vos silences. Je crie.